Chapitre 10e. La chambre du malade était gaie. Pas de petits pots, de fioles, ni de petites cuillères. Tout cela était rangé hors de la vue. Madame Loger, venue dès le premier mot de sa fille, soignait Félix qui l'adorait et confectionnait de temps en temps à la cuisine de petits plats exquis pour la plus grande satisfaction de son gendre. Le danger était écarté à jamais et Claire, depuis 3 jours, consentait enfin à se coucher sur un lit de camp, après avoir veillé debout les 3 premières nuits. Mais la fatigue n'avait pas de prise sur elle. Elle aimait avec tant de ferveur que le repos lui semblait un outrage à son cher malade. Les instances du médecin et de sa mère l'avaient enfin décidé à prendre un peu de repos, mais elle n'en avait pas besoin. La joie la soutenait et lui tenait lieu de tout le reste, la joie immense et intime de voir Paul hors de danger. Le médecin l'avait répété plus d'une fois à son mari et à sa mère. C'est son dévouement intelligent qui avait sauvé le jeune homme. Si elle l'avait laissé s'endormir glacé ce soir-là, il eût probablement payé de sa vie le plaisir de reconduire Camille et de causer une demi-heure avec elle sous une porte cochère. Le 6e jour après l'accident, Camille, qui ne savait rien de ce qui s'était passé, se présenta chez Brécard le soir suivant ses nouvelles habitudes. Elle allait entrer dans le petit salon à vannes lorsque la bonne l'arrêta en lui disant « Pardon, je vais prévenir madame ». Camille resta stupéfaite sous le bec de gaz de l'antichambre, se demandant si elle rêvait. Un vague trouble de conscience la saisit. Il se demanda si Claire ne croirait pas avoir à se plaindre d'elle. Se plaindre? De quoi? En quoi Camille avait-elle lésé les droits de son amie? Un rapide examen des faits la rassura, et c'est avec l'aplomb de la plus candide innocence qu'elle demanda en riant à Claire, qui paraissait en ce moment. « Je suis donc consignée. Pourquoi tant de cérémonie ?» Sa voix haute et claire blessa les oreilles de Madame Brécard, qui lui répondit à voix basse, ainsi qu'on parle dans la chambre d'un malade. « Mon mari a failli mourir depuis ta dernière visite. » Camille tressaillit violemment. « Paul avait failli mourir? Mon Dieu, que serait-elle devenue? Mais il vivait. » C'est d'une voix tremblante qu'elle interrogea son ami. « Et maintenant? Maintenant il va mieux. Le danger est écarté. Mais il faudra bien des précautions dorénavant. Les fluxions de poitrine laissent des suites longues et redoutables. » Les deux jeunes femmes étaient alors dans le salon, éclairées par une seule lampe. L'arrangement des meubles témoignait que depuis plusieurs jours on n'habitait pas cette pièce. À peine y passait-on quelques minutes par-ci par-là quand il venait un visiteur. Camille appuya ses deux mains sur le dos d'une chaise pour se soutenir et regarda Claire d'un air éperdu. Une fluxion de poitrine? Mais il est hors de danger, dit. À condition de ne pas commettre d'autres imprudences, répondit Claire. Elle avait sur le cœur la dernière visite de Camille, et si heureuse qu'elle fût de sentir son mari hors de cette épreuve terrible, elle en voulait un peu à celle qu'il y avait précipitée. Des imprudences? Comment? Quand? C'est en revenant de te conduire que mon mari est resté malade. Il avait eu froid en causant avec toi devant ta porte. Je te croyais plus de raison, Camille. Mais tu aimes tout ce qui est romanesque. Camille, pour la première fois de sa vie, sentit qu'elle méritait le reproche, et au lieu de se redresser fièrement comme elle le faisait toujours, elle courba la tête et demanda pardon. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix émue et pleine d'angoisse. « Je ne pensais pas qu'il y avait du danger. Je te prie, Claire, de me pardonner. Et lui, n'est-il pas fâché contre moi ?»« Il ne m'en a jamais parlé, » répondit la jeune femme, touchée de cette humilité assurément inattendue. Je ne crois pas qu'il se soit bien rendu compte. A-t-il beaucoup souffert? Demanda Camille après un silence. Pas beaucoup. De la fièvre, un peu de délire de temps en temps. Camille regarda Claire à la dérobée. Paul n'avait pas parlé de leur dernier entretien, sans quoi la jeune femme n'eût pu s'empêcher de le lui faire savoir. C'était pour dénigrer Claire qu'elle avait retenu Brécard sous la pluie glaciale, mal défendue par la mince corniche de la porte cochère, contre les filets d'eau qui tombaient de la gouttière. Elle était à l'abri, pendant qu'elle s'apitoyait sur les défauts de Claire, sur sa frivolité naturelle, sur sa sévérité intempestive avec les domestiques, sur le peu de zèle qu'elle apportait aux soins de sa perfection. Paul avait écouté et subi tout cela parce que Camille, sans le savoir, poussée par le besoin de séparer ces gens qui s'aimaient, trouvait des biens incroyablement habiles, et parce que chacun de ses blâmes était présenté comme une excuse. C'est ainsi qu'elle avait retenu le mari de Claire sous le mauvais temps, détruisant à la fois sa santé et son bonheur domestique, tout en croyant fermement lui rendre service et dessiller ses yeux prévenus par une longue habitude de faiblesse conjugale. Paul n'avait pas parlé de cette conversation, ni volontairement, ni involontairement. Peut-être, dans sa fièvre, l'avait-il oubliée. Elle s'expliquait maintenant pourquoi il l'avait écoutée sans lui répondre. Déjà souffrant, glacé, fiévreux, il avait vaguement entendu ses paroles sans les comprendre, ne pensant qu'à s'en aller. Mais non, ce ne pouvait pas être. Pourquoi alors l'eût-il pressé chaleureusement la main en la quittant, avec ces paroles qu'elle s'était répétées 100 fois depuis ? « Vous êtes une véritable amie. »« Peut-on le voir ? » demanda-t-elle enfin, poussée jusqu'aux dernières limites de l'imprudence par le besoin de contempler le visage de l'homme qu'elle aimait et qui avait failli mourir. Claire sourit. « Il est au lit, ma bonne amie. Si tes principes te permettent de voir un homme dans son lit, je ne peux pas te refuser cette consolation. » Elle avait espéré que cette raison rebuterait Camille. À sa grande surprise, celle-ci lui répondit d'un air dégagé. « C'est ton mari, ma chère. » Et à ce titre, Claire la regarda avec curiosité. Une vague lueur de vérité pénétra dans son âme pour la première fois, mais ce fut une lueur fugitive comme un éclair, si fugitive que l'on reste persuadé qu'on est en proie à l'erreur. « Attends, lui dit-elle, que je vois s'il veut te recevoir. Il aura peut-être plus de scrupules que toi sur la convenance de cette démarche. » Camille sentit l'épigramme, mais que lui importait ? Elle voulait le voir à tout prix. Sa pensée n'allait pas plus loin. Si Claire lui avait refusé l'entrée de la chambre de son mari, elle y fut peut-être entrée malgré elle, sans souci des conséquences. Elle laissa donc Madame Bricard passer dans la chambre voisine. « C'est Camille, » dit-elle d'une voix légèrement altérée. « Elle veut te voir. Y consens-tu ? » Paul regarda sa femme et une légère rougeur nuança ses joues pâles. Lui aussi avait fait bien des réflexions pendant ces 6 jours, et sa seule crainte était que Claire apprit jamais le rôle inconscient, mais odieux, que Camille avait joué entre eux. Il avait peur de Camille, la devinant capable de n'importe quel coup de tête. À un moment donné, d'ailleurs, il n'était pas fâché de l'avoir contemplé son ouvrage dans sa personne. « Qu'elle entre, » dit-il d'une voix tranquille, « seulement qu'elle ne reste pas longtemps, elle me fatiguerait. » Claire retourna près de son amie. « Pour 1 minute seulement, » lui dit-elle, et elle retourna dans la chambre où Camille la suivit. Paul avait beaucoup changé pendant ce court laps de temps. Certaines maladies attaquent le visage plus que d'autres, et l'amaigrissement y est plus considérable. Les yeux noirs du jeune homme s'étaient étrangement enfoncés dans leur orbite. Son nez, droit et effilé, paraissait de cire, et ses mains émaciées gisaient sur la couverture, longues et fines à faire pitié. Camille n'osa s'approcher, sentant que si elle perdait le peu d'empire qui lui restait sur elle-même, elle se précipiterait à corps perdu sur cet homme pour l'emporter dans ses bras en quelque lieu où il n'appartiendrait plus qu'à elle. « Bonsoir, » lui dit-elle. Ce fut tout ce que ses lèvres purent prononcer. Il lui répondit d'un signe de tête avec un sourire singulier et presque triomphant. Le souvenir de tout ce qu'il avait laissé dire à cette étrangère, l'idée qu'il lui avait permis, par son silence, de blâmer à tout propos sa femme, cette douce Claire qui était pour lui le soleil et la joie de son existence, tout cela lui revenait comme un mauvais rêve déjà lointain, grâce à sa maladie, qui avait par le fait creusé un abîme entre le passé et le présent. Paul n'était pas un enfant. Il y avait 3 mois qu'il se sentait adoré de Camille. Pourquoi n'avait-il pas rompu dès ce jour même ? Parce que l'homme est faible. Il s'était payé de mauvaises raisons de convenance sociale, d'amitié ancienne, de la nécessité d'éviter d'éveiller des soupçons. Et puis, pourquoi affliger Camille ? Camille était bien belle, et il est si doux d'être adoré, surtout quand on se sent fort et sûr de ne pas succomber. Paul était sûr de lui-même, il l'avait prouvé, car son cœur et ses sens étaient toujours restés froids près de la jeune fille. Mais l'amour-propre, au fond, 9 fois sur 10, c'est l'amour-propre qui mène l'humanité. Mais quand le cœur est sain et le cerveau solide, il vient un jour où l'on répudie son erreur. Ce jour avait été pour Paul celui où, rentrant malade auprès de sa femme qu'il avait blessée et affligée injustement, il le savait bien, il avait trouvé en elle le dévouement et la tendresse des meilleurs jours. Pendant les heures de fièvre qui avaient suivi, il n'avait cessé d'invoquer Claire avec un sourire sur les lèvres et une ineffable joie dans le cœur. Il se sentait pardonné sans avoir parlé et son amour pour sa femme s'en trouvait centuplé. Après avoir regardé Camille un moment, après avoir vu la différence de ce beau visage d'où ne rayonnait aucune sympathie pour la femme qui avait souffert de son mal et qui l'avait guérie, où toute l'expression se concentrait en un regard de passion prudente et craintive attaché sur lui. Paul ne put retenir un mouvement cruel dans sa naïveté. Désireux de venger en une seule fois Claire outragée 100 fois par cette jeune fille qui avait voulu lui voler l'amour de son époux, il prit la main de sa femme dans la sienne. « C'est elle qui m'a sauvé, » dit-il en la caressant doucement. Camille reçut le coup en plein cœur, mais avec son stoïcisme ordinaire, elle sut ne point sourciller. « Elle a bien fait, » répondit-elle, « c'était son devoir. » « Ce n'est pas par devoir que je l'ai fait, » répliqua soudain Claire, grandi par le sentiment de sa supériorité. « C'est par amour. » Paul baisa la main qu'il tenait. « Je suis bien aise de vous voir mieux, » dit Camille d'un ton tranquille. « Je crains de vous fatiguer. Je reviendrai bientôt savoir de vos nouvelles. » Elle sortit, seule cette fois, et rentra seule au logis, bien avant l'heure habituelle.